they had big bank account. Bank food full with large amount. Girlfriend like big millionaire. Then I lose money and get the air. Money, money, money. Money get the honey. Life would be so sunny with money, money, money, money, money. I say, man, I got to get money to get coconut oil and peas and rice. I have personality, went to college for a degree. I can do most anything except make pocket go tingling. Money, money, money, money gets the honey. Life would be so sunny. Money, money, money, money, money. Il a travaillé dans un abattoir ou dans les pompes funèbres. Il s'est inventé un milliard de vies et sa vie justement aussi entre Cuba, Détroit et Londres. Il joue de tous les instruments et son style hipster est parfaitement génial. C'est Slim Gaillard. Money, money, money. Et nous sommes en 1947. Open minds, open mind, open hearts, people. A history lesson that'll thread the needle. In a haystack, I'm black, proud and proud and grooving. Two-stepping down a beaten path, masked, oblivious to greatness in our sight. With this unknown embedded birthright, diamond in the rough or the Mecca for short. Our sounds being packaged for export. Picture blurred. Changing narratives occurred. Lost in the midst of our foundation. The highest aesthetic of excellence. Memoirs of High Tech Jazz. La nuit des temps. Radio Duo. Yeah. c'est le brass band de New York. Et pourtant, ça sonne comme Dr. Dre. Voici les Breakdown Brass, vus et entendus dans les bars de Brooklyn. Mais ici, c'est pas Brooklyn. C'est Saint-Étienne. La nuit des temps, l'international de la danse. Baby dans maquillé, que je vais couper ma dos toute la journée. 6 dans le barillé. Elle veut des mots doux, mais faut qu'elle s'attache à la rue pour faire du blé. Des billets violets. Ça m'est obs, les flics parlent pas. La peine, la haine part pas. Je n'ai pas ce que je touche chaque mois. Je n'ai pas peur, viens choque-moi. Je n'ai pas peur, viens choque-moi. No pain, no gain, j'augmente le poids. Baby coupe cette dope, choque-moi. Baby prends ça par chaque mois. Il parle pas, il pointe la caisse au smi-auto. Il revient de loin, pensez pas brasser autant. Babe s'endort comme ça, elle coupe la bute dans le salon. Elle rêve qu'on quitte le sale, tire dans mon joint, pas le ballon. De faire les choses carrées, mais les bleus font tourner. Quitter la scène de crime avant qu'il passe la craie. Voyez les choses plus larges, mais y'a pas de concret. Je parle de projet, mais tu me rayonnais. Baby dans maquillé, je fais couper ma dos toute la journée. 6 dans le barillé. Elle veut des mots doux, mais faut qu'elle s'attache à la rue pour faire du blé. Des billets violets. Ça fait longtemps là, chaque fois que je l'ai. Je te dirai quand c'est terminé, quand on rentre. Retire le siège, bébé, je suis enfouraillé dans le ranch. Vu qu'ils disent ce sont pas des notes, on va pas régler tous leurs problèmes. Veux que ta révolution on est des vendredis. D'un coup, je veux plus recevoir. On m'a dit que l'amour, c'est leur mort du devoir. J'ai des frères au ciel que je veux plus revoir. Si je lui donne d'un coup, je veux plus recevoir. On fait les choses plus larges, mais y'a pas de concours. Tu parles de projet, mais tu rayonnes. Baby dans maquillé, je fais couper ma dos toute la journée. 6 dans le barillé. Elle veut des mots doux, mais faut qu'elle s'attache à la rue pour faire du blé. Des billets violets. Charbon, Hazy, Vaughn. J'veux pas regretter. Le charbon, le Hazy, la Vaughn. J'veux pas regretter. Alors je t'en. Adi Oasis, et c'est l'heure du départ. Mmh. For just one night, I thought it was you. La nuit des temps, Radio Duo. Don't call me Gaga. I've never seen one like that before. Don't look at me like that. You amaze me. hell. That boy is a monster. C'est notre powerplay de la semaine. Voici les Japonais Chance, Whatever Man, et nous sommes à Tokyo en 2023. Radio-Dio, la nuit des temps. Welcome to the party, everybody. I'm glad that you could attend. We're gonna rock, shock, scream and shout to the beat that has no end. Now you listen to the number one rocket MC. Rockin' the world is my fantasy. My name is Cool Kyle, they call me Star Child. Just shockin' the house for a little while. I'm 6 feet tall, full of joy. To all the young ladies, I'm just a playboy. 21 years old, it should be known. I'm the high power lover of the microphone. Now New York City is my home. I'm all I rock the mic, I like to get it on. Born under the side of Scorpio, I make you work your body nice and slow. I'm the K-O, the O, the L. I got a telephone book for clientele. All the fly girls wanna ring my bell. I'm the K-Y, L, the E. Just boogie to the rhythm of the Star Child B. Now twice a week, I rock the funky beat. I don't need a crew, because I can't be beat. I'm not five, not four, not three, not two. I'm one MC. sing and I make your boogaloo. I'm the soul brother, the ladies lover. I'm like no other, but never be another. Playing the role and keeping undercover. I'm down by law, you better take a good look. Pretty soon I'll be in the history books. Do, do it, yo, stop. Let's dance to the music, make you wanna ride. Check it out, y'all, B.B. Keep on to the boogie. Now I can remember how I came to be Star Child, the shocker MC. I was sitting at home, I was all alone. To the rest of the world, I was just an unknown. Until one day when I made up my mind, I got a little black book and I wrote my rhymes. I went to a party and tried them out, and you know what? I shocked the house. It was love at first sight, me and a mic. So I kept on rocking till I got it right. The beat was unique, the sound was down, and before too long, I rocked the crowd. I traveled near and I traveled far, from coast to coast. I became a star. I was a disco dabbing, non-stop rapping, fingers tapping, foot stopping, toe tapping. A one of a kind, over a thousand rhymes. I put a giggle and a wiggle to the girls behind. Do, do it, get up, stop. This dance to the music, make you wanna rock, rock. Check it out, jump, beat, beat. Keep on to the boogie. Fly guys, rock the hell. Just young ladies, let's turn it out. Well, Friday night and I was getting loose. I went to the movies on 42. The bargain ticket, I was standing online. When I felt something fine catching my eye, I turned around, and what did I see? A jazzy young lady just staring at me. About 5'3", looking super sweet, wearing real tight short dash dungarees. I said, hey fly girl, you got the time? And if you got the time, well, let me give you a ride. A boy like me and a girl like you, say hey fly girl, what you gonna do? So we saw the flick, and when it was done, we went uptown to have a little fun. We drank some wine, she shook her behind. The jazzy young lady just blew my mind. A do-do-wet, yep, stop. Let's dance to the music, make you wanna ride. And check it out, y'all, to the beat. Keep on to the boogie. Now party people, it's now your turn. Feel the key and let me see you burn. Jump on the boogie and rock the beat. And party people, sing that melody. Dear myself, I'm the K-Y-L-E. Keep on to the boogie. Now party people, what do you do when you got the urge and you want a boogaloo? You put on your gear and head out the door. Your very next stop is your neighborhood store. You buy a bottle of rue, a pack of double mint. You take a sip and then you chew a stick. So then you find your crew and then you head uptown to dance with the ladies and groove to the sounds. When you get to the party, the line is locked. There are sexy young girls from both near and far. We can pay the damage. You go inside. When you walk through the door, you can't believe your eyes. From wall to wall, from front to back, the party's jumping, it's really packed. From top to bottom and all four sides, the house is rocking, it's a coming alive. Well, the man on the mic is throwing down. Check out the cool cow Star Child sound. Le Bronx, 1980. Kaiser Original Star Child est l'un des pionniers parmi les graffeurs. Il a même bossé avec Jean-Michel Basquiat. Mais avant de taguer les murs, il était DJ, et ce dès 76. New York, do you like the funky beat? What's my name? Eat at lunch like Muhammad Ali, and it's knockout punch like Phoebe Tyler. arrogant king. One life to live is a name in a game. Like Kentucky Fried Chicken, his finger looking good as the bunch of cool cop in your neighborhood. Put your foot on the rock and back your foot. Don't stop, everybody, let's rock. Now to the party people all over the world, the men and the women, all the boys and girls, here's a little something, it's just for you. Pay close attention until I'm through. And now 1980 is now upon us. You gotta be cool and forget about the dust. You gotta get together and join your hands. Brothers and sisters, you gotta take a stand. No matter who you are, no matter what you like, you gotta be down with the universal fight. Before a time runs by, open your eyes, you only got one life. And that's no job. So what's a pep in your step? Surprise in your tribe, come alive. Party people, we've got to survive. Do, do it, do, do it. Just a boogie to the beat, get to it. To the fighting MCs that are on the side, take some friendly advice, stay away from my ride. Because I can't be you, you can't be me. When it comes down to his personality, they're gonna pay your dues, settle the cost, and never give up if you wanna be the boss. Now these words I say, I believe are true. If you don't believe, this is what you do. Check out the rest and come back to me. The proof is in the pudding for you to see. It's a simple fact that you can't deny. My rhymes are warned by the FBI. The CIA called me up today because a 007 is on my case. No matter where I go, I just can't hide. Even Mother Goose trying to bite my rhymes down. It should be a crime, but I don't mind. Cause my golden voice is a one of a kind. On your stereo, on your radio, Cool Cow Star Child is on the go. The high power lover of the microphone, the everlasting disco Romeo. So one more time before I leave, can you rock that funky beat? Because the funky beat is what we like when the bunch of cool cow rock rocks the mic. Kate Mattison chante avec Lola Adana. Keito Sanchez est percussionniste et a bossé avec les Soulmen, Charles Bradley, Uli Fields. Anjo Raposo, lui, est bassiste et Isaac Miles s'occupe des cuivres. C'est 79.5. Nous sommes encore à Brooklyn. Et nous sommes en 2023. Rachel Fleming, Annette Guest, Wardell Piper et Melanie Maxir sont les choristes qui formaient les First Choice à la mi-temps des années 70. Elles avaient leur propre thème. Et nous sommes à Philadelphie. Nous sommes en 1976. Mesdames et messieurs, voici les fantastiques First Choice. Ce soir. Mais qu'est-ce qui se passe ? Après Philadelphie, la Pennsylvanie. We got the funk. Oh yeah ! Et nous sommes en 1979. Il a le funk. Elle a le funk. Yeah, elle a le funk. Nous avons tous le funk. We ask you. La nuit des temps, l'international de la danse. Le funk. C'est produit par Nate Edmonds. Et Nate Edmonds, eh bien, il était dans les années 60 avec Curtis Knight and the Squires. Et pour la petite histoire, ils avaient fait quelques sons avec, figurez-vous, Jimi Hendrix. Mais là, ils ont le funk. On a tous le funk. Et vous êtes dans la nuit des temps sur Radio Duo. Mais oui, non, non, déjà, vous êtes vraiment sûr? Mais comment, il n'y a personne derrière, il n'y a personne à gauche, il n'y a personne à droite. C'est les vacances, il n'y a pratiquement plus personne. On pourrait pas faire un tout petit peu durer le plaisir? Encore un peu. Par exemple, avec quelques bonus en loose day, en fin de programme. Hop hop. Comme ça. Juste après avoir fermé les portes de notre bon vieux club. Bon alors on se dépêche de célébrer nos glorieux invités qui ont foulé ce soir notre dance floor. Tous revenus de si loin, de la nuit des temps. Il y avait par exemple les Exotic Skates qui avaient un message à faire passer à Rudy. On a également croisé Slim Gaillard dans les années 40. C'est vieux, c'est fou. Et comme quoi, après avoir fait 1000 métiers, ça a bien nourri sa musique. Les Japonais qui nous ont eu beaucoup de chance, c'est The Chance. Et ils étaient en powerplay cette semaine. Et powerplay, ça veut dire double dose. Il y avait également les Breakdown Brass. Le formidable Zola. L'indépassable Adi Oasis, Pale J et Okonski, et eux ils sont jamais loin du lac. LP Jobby, oh, Lady Gaga en 2009 avec son Monster. Cool Kyle the Star Child, ça c'était pour le Bronx, pour le Graf, pour Basquiat en 80. 79.5, je vous le fais à la française, c'est presque le nom d'une fréquence radio secrète que seuls quelques initiés peuvent découvrir tout au bout d'une bande FM qui existe à peine. On a également croisé Reginald Chapman, les géniales et merveilleuses First Choice. Et puis on les adore, Positive Force, que l'on va retrouver également dans le plus grand secret parmi les quelques bonus qui vont suivre en fin de programme. On va fermer les portes de la nuit des temps. On va se transformer en citrouille. Et puis comme d'habitude, on regarde le ciel de Saint-Étienne, avec ses milliers d'étoiles qui brillent et qui nous accompagnent pour ce début de nuit. Les belles nuits de Saint-Étienne. Rendez-vous la semaine prochaine. Toujours sur les bonnes ondes de Dio. Même net, buona notte, salut! La nuit des temps, Radio Dio. Radio Duo, il est 21h56. Et c'est l'heure des bonus de la nuit des temps. You're welcome.